Bonjour et bienvenue pour cet épisode de podcast Marvelicious, épisode particulier où j'enregistre cet épisode directement dans les couloirs, et oui, dans les couloirs de l'hôtel New York, The Art of Marvel. Alors vous allez peut-être entendre les gens, vous allez peut-être entendre moi qui prends un ascenseur, vous allez peut-être entendre la musique. En tout cas, le but, c'est de parler de Marvel tout en se promenant dans un lieu que j'affectionne plus particulièrement, qui est l'hôtel New York, The Art of Marvel. Et aujourd'hui, sur ce podcast, nous allons parler de la série qui arrive bientôt sur le petit écran, qui est la série Daredevil Born Again. Alors là, je me trouve actuellement au troisième étage. Je suis dans l'aile du côté du Sequoia et je suis en face d'une magnifique peinture où il y a T'Challa et donc la panthère noire avec sa sœur Sou, j'allais dire Sushi, Souris, et il est entouré de Dora Milaje. En effet, pour ceux qui ne savent pas, c'est que chaque couloir, chaque étage, pardon, est dédié un personnage, un super-héros Marvel. Et là où je suis, c'est Black Panther. Et tiens, je vais me diriger de l'autre côté. On va essayer direction de l'autre aile. On va aller dans l'autre aile pour voir si c'est toujours la Panthère Noire qui est à l'honneur sur cet étage. Comme je vous disais, aujourd'hui, nous allons parler de la série, la prochaine qui arrive, de Daredevil. Depuis l'annulation de la série Daredevil sur Netflix en 2018, les fans réclamaient, dont moi d'ailleurs, à cor et à cri, le retour de Matt Murdock. Disney a finalement répondu à cet appel en annonçant une nouvelle série Daredevil sur sa plateforme Disney+. Et le nom véritable, c'est Daredevil Born Again. À noter que ce n'est pas la saison 4 de Daredevil, puisqu'il y a eu 3 saisons sur Netflix. Et ils l'ont appelé Daredevil Born Again, saison 1, et d'ailleurs, alors je vous parle, ils ont déjà annoncé une saison 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce retour s'est accompagné de nombreux défis, notamment des retards, des changements de showrunner, et une pression énorme pour respecter l'héritage de la série originale, tout en l'adaptant au code du MCU. Alors ça y est, je me retrouve à l'autre bout de l'aile, et là en fait je constate que c'est Iron Man. La fresque est magnifique. C'est Iron Man qui est en train de c'est Tony Stark qui est en train de mettre sa tenue, voilà, ou qu'elle arrive sur lui plutôt, on va dire ça. Voilà, alors cette série est prévue comme un reboot spirituel, si on peut dire ainsi, mais aussi comme une suite de la série qui est sortie sur Netflix. On espère tous y retrouver les éléments qui font le succès de sa version Netflix, c'est-à-dire une intrigue sombre, une série très mature, de magnifiques combats chorégraphiés et des dilemmes moraux profonds. La série Daredevil sur Netflix a été lancée en 2015. Elle est d'ailleurs considérée comme l'une des meilleures séries et adaptations de comics en live action. Oh oui, tiens. Je ne veux pas être plus en direct, je tousse les couloirs du Marvel, l'Hôtel New York. C'est une série très mature, puisque, si vous vous souvenez, on avait des combats, des dialogues très crus, on va dire, Et on avait aussi une profondeur psychologique dans cette série. Et à mon souvenir, puisque ça fait longtemps que je les ai vus, hein, puisque la fin c'était en 2018, donc 2018, ouais, ça fait au moins 5 ans, eh bien, je me souviens qu'il y avait un cadre urbain réaliste et brut. On avait New York dans toute sa splendeur. Donc Charlie Cox a incarné Matt Murdock dans cette série. Il l'incarne toujours dans la série Daredevil Born Again. Et rien à dire sur sa prestation, je pense. Et Vincent D'Onofrio, qui joue le rôle du caïd, donc Wilson Fisk, qui livre une performance inoubliable et incroyable. D'ailleurs, il faisait un parfait antagoniste, complexe et terrifiant. Et je trouve que les deux acteurs, Vincent D'Onofrio et Charlie Cox, savaient, mais réellement, hein, savaient se rendre la répartie. Alors, ce succès a quand même mis la barre très haute pour la série Daredevil Born Again. Nous attendons tous. Pourquoi je dis douce? Je vous dis, hein, c'est un POV. Donc, du coup, on va essayer de paqueter un maximum. Je disais que les fans, on attend tous de retrouver cette ambiance sombre, la tension et la qualité d'écriture qui rendaient les personnages de la série Daredevil et les enjeux si captivants. La grande question que je me pose réellement, c'est est-ce que Disney+ pourra reproduire cette magie dans un univers plus contrôlé et potentiellement plus édulcoré? La question reste ouverte là-dessus. Alors, n'attendez pas de moi à ce que je vous fasse un résumé de la bande-annonce point par point, puisque c'est pas l'objectif. Tiens, je suis devant les ascenseurs, puisque l'objectif de ce podcast, c'est de vous mettre en avant les points marquants de la bande-annonce, et peut-être pourquoi pas théoriser. Ce qu'on peut voir déjà en regardant la bande-annonce et un peu l'histoire, c'est que l'un des éléments les plus captivants de cette bande-annonce, c'est le retour de Wilson Fisk, alias le Caïd. Non seulement comme adversaire principal, mais aussi, là, on le voit dans un rôle politique inédit, celui de maire de New York. Alors, ce développement puise son inspiration de comics, que j'ai lu il y a fort longtemps, mais qui sont géniaux. C'est Mayor Fisk, c'est un arc entre 2017 et 2018, et puis la suite directe de Mayor Fisk, qui est Devil's Reign, que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, c'est un de mes meilleurs arcs avec Daredevil. Je trouve. Donc, si vous devez commencer déjà, voilà. Dans Mayor Fisk, Wilson Fisk utilise son poste de maire pour légaliser son pouvoir et consolider son emprise sur la ville. Il s'en prend notamment aux justiciers masqués qu'il qualifie de criminels, manipulant les lois et l'opinion publique pour les marginaliser. Mais réellement, c'est dans Devil's Reign que cette dynamique atteint son paroxysme, puisque, comme je vous le disais, Devil's Reign, c'est la suite directe de l'arc Mayor Fisk. Puisque cet arc voit Fisk mettre en œuvre une campagne agressive contre les héros de rue de New York à travers pas une loi, on va dire un arrêté municipal peut-être, voilà, qui interdit l'existence même des super-héros. Dans Devil's Reign, Fisk utilise son pouvoir politique pour lancer une véritable croisade contre les super-héros. Il ordonne leur exécution, que dis-je? Tiens, je suis à un côté d'un autre couloir. Je vais essayer d'aller plus loin parce que là, je suis sur la zone Iron Man, mais je vois un autre couloir qui m'emmène vers une autre aile. On va y aller. Donc, comme je disais, c'est que il ordonne l'arrestation des super-héros et pour ça, il va créer une équipe de super-vilains qui va être à peu près sponsorisée, on va dire, par le maire de New York. Et ces super-vilains vont avoir pour nom les Thunderbolts. Voilà, donc même nom que le film qui est prévu prochainement, et les Thunderbolts vont essayer de traquer Daredevil, Spider-Man, Captain America, etc., Luke Cage, etc., pour pouvoir eh bien, les capturer. Ce qui rend cet arc particulièrement fascinant, c'est la façon dont Fisk mélange la manipulation politique, mais aussi la vengeance personnelle. Alors je ne sais pas si dans... Je ne pense pas que dans la série à venir, on va avoir réellement... cette histoire-là, je pense pas du tout qu'on va voir cette histoire, mais comme je vous ai dit, et comme je le dis à chaque fois, c'est que Marvel n'hésite pas à prendre dans les comics certaines bases pour à s'inspirer pour comment mettre en place leur série et leur film du MCU. Alors je suis à l'autre bout du couloir que je pensais, et c'est encore Iron Man, mais je peux encore continuer, donc je vais encore continuer. J'espère ne pas me paumer. La moitié à la mirette. Voilà. Avant même le lancement de Daredevil Born Again, on avait déjà vu Wilson Fisk, on l'avait vu notamment dans Hawkeye, et on l'avait vu aussi dans Echo. Et Daredevil, on l'avait revu aussi. Alors, on l'avait pas revu depuis 2018, hein, depuis l'arrêt de la série sur Netflix. On avait Daredevil qui on a revu dans Echo, encore une fois, mais aussi dans She-Hulk également, les deux autres séries. Et on l'a revu aussi dans Spider-Man No Way Home. Mais là, c'était Matt Murdock et non pas Daredevil. Voilà. Alors, je suis au bout du couloir encore et je crois. Les amis, je suis au troisième étage et je peux vous annoncer que ce troisième étage est divisé en Iron Man sur un côté et en Black Panther de l'autre. Très intéressant. Alors, pour moi, ces réapparitions, pardon, ne sont pas anodins, puisque pour moi, ces réapparitions ont permis de réintroduire les personnages au grand public. Même si elles ont divisé les fans, on a quand même tous apprécié ces intégrations à la fois légères, accessibles, qui n'ont pas bouleversé en tant que telles l'histoire de la série Hawkeye, Echo ou bien She-Hulk. Donc la série Born Again, Daredevil Born Again, pour moi, ce sera un moyen pour tous nous réconcilier et se dire que voilà, enfin, on va pouvoir se poser, revoir Wilson Fisk, mais aussi revoir Matt Murdock. Bonjour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bande-annonce met également en lumière le retour de personnages familiers. Donc, il y a une scène d'ailleurs où on revoit Foggy Nelson, on revoit une autre scène aussi, on voit Karen Page, mais aussi on a la présence de nouveaux visages qui nous promettent d'enrichir l'univers de la série. On retrouve dans cette bande-annonce l'esthétique sombre et le ton mature, qui rappelle de fait l'ambiance de la série originale sur Netflix, tout en intégrant des éléments propres au Marvel Cinematic Universe. Ce que j'attends aussi de Daredevil, c'est bien entendu de reprendre ce qui a fait le succès de cette série sur Netflix, mais aussi ce que j'attends de Daredevil, c'est aussi à ce que ce soit une série sur les avocats. Matt Murdock et Daredevil, mais c'est aussi un avocat. Et les épisodes. Je crois que les amis, je suis perdu. Non, c'est bon, c'est par là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série Daredevil, donc, même si on la connaît pour ses scènes d'action palpitantes, ses combats chorégraphiés, etc., au-delà de son aspect super-héros, eh bien, Daredevil, Matt Murdock, est aussi avocat. C'est un avocat, mais aussi injustifié. C'est un avocat qui est dévoué, qui travaille dans le quartier de Hell's Kitchen à New York avec son associé Foggy Nelson. Voilà. Et d'ailleurs, il dirige un cabinet d'avocats qui s'appelle Nelson et Murdock. Et d'ailleurs, ils sont spécialisés dans la défense des plus démunis ou, ou des causes perdues, on va dire ça, si je peux me permettre l'expression. Et les épisodes de Daredevil, si vous regardez la série, si vous vous en souvenez, eh bien, intègre souvent des éléments de drame judiciaire avec des scènes de tribunal et des stratégies. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Les fans de la série donc, apprécient les intrigues complexes où Matt doit jongler entre ses obligations professionnelles et ses activités nocturnes. En tant que Daredevil, souvenez-vous, on a pu voir Matt Murdock défendre avec vigueur Frank Castle, alias le Punisher. Donc, voilà. On attend aussi de Daredevil que ce soit bien entendu une série d'avocats. Et je pense d'ailleurs qu'on va enfin pouvoir voir Matt Murdock dans son rôle de justicier, mais aussi pleinement dans son rôle d'avocat. Et ça, je vais en justifier. Je reste persuadé que cette série, non seulement va être une représentation authentique du système judiciaire américain, mais je reste persuadé qu'au-delà du film de super-héros, on va pouvoir aussi nous captiver sur des intrigues judiciaires, sur la complexité de certains personnages que défendrait Matt Murdock, mais aussi des dilemmes moraux, parce que je reste persuadé que Matt Murdock, comme dans les comics, est épris de dilemmes moraux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est créé ce personnage de Daredevil, et que il va devoir jongler entre son côté avocat et son côté vigilante. D'ailleurs, si on regarde bien la bande-annonce, on peut voir que Matt peut être à la fois très calme lorsqu'il n'est pas dans son costume. D'ailleurs, il est très, enfin, très, très posé, etc. Mais une fois qu'il a le costume de Daredevil, on peut voir qu'il est épris d'une rage où vraiment, là, lorsqu'il se met à commettre des actes de violence, on ressent bien qu'il n'est pas forcément capable de s'arrêter. Alors, j'ai fait le tour des couloirs de ce troisième étage et je pense que dorénavant, je vais prendre l'ascenseur ou l'escalier pour aller directement dans le hall de l'hôtel. Alors, les amis, bonjour et bonsoir. Je dois aller chercher de la glace pour Julie, donc il faut que je trouve l'endroit où la glace. Et là, il y a des gens qui courent en peignoir. Les gens sont bizarres. Donc, comme je disais, en fait, on a dans cette bande-annonce, je vais pas refaire une rétrospective de toute la bande-annonce, mais je vais plutôt faire en sorte. Bonsoir. Nous allons davantage parler. Bonsoir. Nous allons davantage parler de certains points qui m'ont interloqué dans ou qui ont retenu mon attention dans cette bande-annonce. J'ai trouvé la machine à glace, mais elle est en panne, donc on me dit d'aller à l'étage inférieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Donc je peux pas être direct en live. Là, j'ai pris les escaliers, ce qui m'évite d'aller prendre l'ascenseur pour un étage. Voilà. Donc comme je disais, il y a certains points qui ont attiré mon attention, notamment un super vilain qui est connu dans le monde de Daredevil, dans l'univers de Daredevil, qui est Muse. C'est le personnage que vous voyez avec une sorte de cagoule qui ressemble un peu à l'épouvantail dans Batman. Dans les comics, Muse est un artiste psychopathe et un meurtrier obsédé par la création. Ce personnage, introduit dans le run de Charles Soule, Charles Soule a aussi écrit beaucoup, pour les vrais connaisseurs, a écrit beaucoup aussi les livres Star Wars sur la Haute République. Et ce personnage est connu pour ses œuvres macabres qui sont réalisées à partir de sang humain et de cadavres qu'il considère comme de l'art vivant. Bon, pour des morts, c'est un peu bizarre, mais c'est le cas. Donc Muse est un ennemi particulièrement terrifiant car il combine une intelligence créative tordue avec une absence totale de moralité. Et sa capacité à échapper à Daredevil, grâce à son agilité et son esprit imprévisible, en fait un adversaire redoutable. Dans la bande-annonce, Muse apparaît brièvement dans plusieurs scènes, notamment une scène qui semble se dérouler, à mon souvenir, dans un entrepôt à la fois sombre, entouré de peintures étranges, d'œuvres sinistres, mais on comprend bien en fait que c'est du sang que l'on trouve sur les murs. Et on voit aussi des dessins macabres, et aussi on voit, à mon souvenir, des cadavres qui sont suspendus à des chaînes ou des crochets. Et ça ne peut être que l'œuvre de Muse. Je n'ai pas la bande-annonce sous les yeux, mais à mon souvenir, on a aussi un passage où on peut comprendre que Daredevil est en train d'avoir un combat avec Muse. On a aussi une autre scène rapide où on voit la caméra qui montre une silhouette encapuchonnée et son visage partiellement éclairé avec des sortes de larmes de sang qui révèlent un masque qui est assez inquiétant, ce qui accentue un véritable mystère. On peut vite comprendre que Muse peut représenter un danger pour les citoyens new-yorkais. L'apparition de Muse est un choix à la fois intrigant, mais aussi prometteur. Ce personnage offre une opportunité narrative idéale pour explorer le rôle, plutôt le côté le plus sombre et psychologique de Daredevil. Muse pourrait représenter un défi moral pour Matt Murdock, le forçant à confronter des atrocités qu'il n'a jamais vues auparavant et à repousser ses limites pour protéger les citoyens. Muse pourrait aussi être utilisé pour permettre de souligner les dilemmes éthiques de Matt Murdock, qui est souvent tiraillé entre son rôle de justicier et son incapacité à sauver toutes les victimes. La cruauté artistique, si on peut parler ainsi de Muse, contraste parfaitement avec la justice méthodique et équilibrée que Daredevil tente de défendre. La question que je me pose, c'est de savoir si Wilson Fisk va pas demander de l'aide à Matt Murdock, et donc Daredevil, pour retrouver et vaincre Muse, car ça a l'air d'être un méchant qui doit terroriser toute la ville. Je soupçonne que ce soit un super vilain qui capture des citoyens au hasard pour créer, entre guillemets, ses œuvres abominables. Donc là, les amis, on va prendre l'ascenseur. Voilà, pour essayer d'enregistrer et de s'immerger dans le hall de l'hôtel. J'essaye d'enregistrer assez tard, il est 22h15, pour qu'il n'y ait pas non plus trop de monde et qu'il y ait trop de brouhaha pendant l'enregistrement. J'adore, c'est que quand vous rentrez dans l'ascenseur, il vous précise ouverture des portes. Voilà. Hop. Cette odeur, je ne sais pas vous, pour l'hôtel Marvel, l'odeur, elle est directement dans l'ascenseur. Elle n'est pas dans les couloirs de l'hôtel, du moins dans les couloirs où il y a les chambres. Et dès que vous rentrez dans l'ascenseur, je suis sûr qu'il y a un diffuseur d'odeur. Toujours aussi bien. Rez-de-chaussée, Rez-de-chaussée. ground floor. Ouverture des portes. Voilà. Me voilà dans le hall. Tranquillement, et je vais essayer de m'isoler un peu vers la convention de Center. Et ce, pour vous parler d'une autre personne qui a attiré de mon attention dans. Alors là, les amis, je suis au Jack Kirby Legacy Gallery, où actuellement il y a des couvertures et dessins de Captain America. Donc il y a toute une série d'œuvres. Allant des années 40 à aujourd'hui, et on a Captain America, Steve Rogers, et puis on a aussi Sam Wilson. Alors, comme je disais, l'autre personnage qui a attiré mon attention, c'est le White Tiger, donc le tigre blanc, qui est dans la série, ou qui semble être, alors je me suis renseigné un petit peu, ça a l'air d'être Hector Ayala. Donc c'est un. Alors, je vais essayer d'être bref, mais il y a eu plusieurs White Tigers. Et l'histoire d'Hector Ayala n'est pas forcément très rose. Hector Ayala a trouvé une amulette. D'ailleurs, on le voit en fait mettre une amulette en même temps que sa capuche. Ou il met sa capuche et on voit l'amulette qu'il a autour du cou. Et cette amulette lui permet d'avoir les pouvoirs du tigre blanc. Donc les débuts du super-héros du Tigre Blanc furent difficiles. Là, je suis à la Convention Center. C'est calme et puis il y a de la musique douce. Puis ça sent bon, surtout ça qui est important. Ça sent très bon. Donc le Tigre Blanc a des débuts qui sont un peu difficiles puisque il souhaite être un super-héros, mais il s'y prend très mal. Les amis, je suis arrivé au bout du hall de la Convention Center. Je suis dans une porte qui s'appelle le Wall Street Boardroom. Et juste devant moi, il y a pour moi, à mes yeux, le tableau le plus magnifique de l'hôtel Marvel. C'est un tableau qui est dessiné par King Joong-gi, qui s'appelle Marvel Saves the Big Apple. Donc Marvel sauve la grande pomme, donc New York. On dirait vraiment un tableau fait au fusain. Donc, je vais m'asseoir tranquillement au pied de ce tableau, profitant de l'ambiance et de la musique pour vous parler du White Tiger. Je vous l'indiquais, le White Tiger a eu des débuts difficiles dans sa nouvelle peau, si je puis dire ça, de super-héros. C'est un super-héros qui s'y prend assez mal, qui est assez maladroit. Et dans le cadre de son histoire, Hector Ayala voit son identité révélée par un super vilain. Et c'est quelqu'un qui aime avoir le costume du tigre blanc, et dans les comics, on ressent qu'il y a une certaine addiction. On va dire plutôt que les amulettes ont un effet d'addiction sur la personne qui les porte. Et Hector Yala, durant ses aventures, lors d'une affaire, a été soupçonné d'avoir tué un policier. Et c'est là où je pense qu'on a ce comics qui va beaucoup inspirer la série, c'est que je pense que le White Tiger, donc Hector Yala, va solliciter les services de l'avocat qu'est Matt Murdock pour le défendre. Ou l'option 2, entre guillemets, ça serait que Matt Murdock a été pris, on va dire, a été sensible à l'histoire d'Hector Yala et a décidé de l'aider et donc de le défendre. Je me demande si vraiment Hector va commettre, entre guillemets, va être soupçonné d'avoir tué un policier. Je ne sais pas trop en fait comment ça va se passer, mais j'ai cette sensation où Hector va être accusé à tort de quelque chose dans tous les cas, et sans doute soit lié à Muse, pardon. Je prends Muse, je pense. Oh, que je suis bête, je pense au groupe. Soit en fait c'est lié aux activités de Muse, ou soit il a voulu faire son super-héros de rue, et puis on va dire qu'il a commis soit une bavure, ou soit il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment, et on voit le White Tiger devant un cadavre, soit d'un citoyen, ou soit d'un policier. Voilà, dans tous les cas, je reste persuadé que, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour moi, c'est une série d'avocats aussi, pas qu'une série d'actions. Eh bien, je reste persuadé que Matt Murdock va vouloir défendre à tout prix Hector Ayala. Dans la série, on attend, enfin moi j'attends une dynamique entre Matt Murdock et Hector Ayala. Je reste persuadé que, on verra si la série me donne raison, mais je reste persuadé que Matt va défendre Hector dans une affaire judiciaire. Et ce ne serait pas surprenant que l'histoire suive la ligne similaire à celle des comics, où justement Hector se retrouve dans une position précaire, peut-être accusé à tort de crimes qu'il n'a pas commis, ou impliqué dans des affaires où son rôle de justicier entre en conflit avec la loi. Matt Murdock a toujours été l'avocat de tous ceux qui sont dans le besoin, qu'ils soient innocents ou non, et cela inclut des personnages comme Hector Ayala. Ce dernier, bien que justicier, opère souvent en dehors des lois de la société, mais il fait partie aussi de ce monde complexe, composé de héros urbains. Je pense notamment à Jessica Jones, je pense à Luke Cage, je pense à Iron Fist, je pense aussi à Spider-Man. Et le fait que Matt ait déjà défendu Hector dans les comics, eh bien, pourrait ouvrir une exploration intéressante sur la justice, la loi et les principes personnels de Matt. Dans la série Daredevil Born Again, on pourrait imaginer que la série présente Hector Ayala, comme je disais tout à l'heure et l'expliquais, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, peut-être en lien avec sa double identité de justicier. Et cette accusation pourrait être l'occasion pour Matt Murdock de se retrouver à nouveau dans son rôle d'avocat, et peut-être même de s'y consacrer pour ne plus mettre le costume de Daredevil. Et ce, à la fois dans un contexte juridique classique et dans un univers de plus en plus complexe où les frontières entre le bien et le mal sont de plus en plus floues. Alors, l'issue de cette défense, je pense que Matt Murdock n'arrivera pas au bout forcément. J'ai deux options. Soit, eh bien, Hector Ayala est accusé et déclaré coupable des faits qu'il n'aurait pas commis. Dans ce cas-là, eh bien, Daredevil chercherait à le venger, entre guillemets, en reprenant le costume de Daredevil pour essayer de l'innocenter a posteriori. Soit, eh bien, Hector Ayala, eh bien, comme dans les comics, va mourir, tué par des policiers, puisque dans les comics, à un moment donné, alors que Matt Murdock le défend. Il tente de s'échapper du tribunal puisqu'il se sent cerné par les accusations. Il tente de s'échapper et en sortant du tribunal, il se fait abattre. Donc voilà, et de fait, Matt Murdock va donc mettre le costume de Daredevil pour essayer peut-être pareil. Malheureusement, Hector Ayala serait décédé, mais essaierait de le faire une sorte de le voir comme quelqu'un d'innocent, mais post-mortem. Voilà. En tout cas, l'issue de cette défense pourrait aussi avoir des conséquences pour le personnage de Matt Murdock, puisque défendre Hector pourrait l'emmener à se poser des questions sur ses propres actions en tant que justicier. Et la série pourrait ainsi jouer sur les tensions entre sa vocation d'avocat et son rôle de Daredevil, notamment si les deux mondes se croisent de plus en plus, forçant Matt à naviguer entre des choix difficiles. Cette défense pourrait aussi marquer un tournant pour Matt Murdock dans sa quête personnelle, puisque par la défense d'Hector Ayala, Matt pourrait se retrouver à confronter des idées de justice plus larges, bien au-delà des limites du tribunal ou de la rue. Plusieurs questions peuvent se poser. Est-ce que la loi est toujours suffisante pour rendre justice? C'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui dans la vraie vie, hein. Peut-on justifier l'usage de pouvoirs surhumains si la cause semble juste? Bref, ce genre de question, pour moi, sera au cœur de Daredevil Born Again et une série qui devrait, comme les anciennes saisons, s'intéresser aux zones grises de la moralité et de la justice. Les amis, là, je vais me lever et je vais me déplacer tranquillement, eh bien, les amis, vers, pourquoi pas, l'un des bars de l'hôtel New York, The Art of Marvel. Je vous raconte pas, les gens, comment je kiffe l'odeur de cet hôtel. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez retrouver l'odeur de cet hôtel chez vous, ils ont fait le parfum d'ambiance, que vous pouvez acheter dans la boutique, mais ils ont aussi fait une bougie. Je suis actuellement dans le hall, là. Je passe à côté de la boutique. C'est un hall qui est un peu bruyant quand même. Il faut dire ce qui est. La musique d'ambiance est très cool, hein, mais c'est un hall qui fait quand même de l'écho. Voilà. Voilà. Donc, comme je dis, ça fait de l'écho. Alors, Skyline ou pas Skyline? Allez, Skyline. Là, je suis devant Skyline. Il est 22h30 et il y a du monde. Pour information, le Skyline ferme à 1h du matin. 17h, 1h. Après, moi, j'aime bien attendre, puisqu'en fait, on voit les armures d'Iron Man, mais aussi, on voit aussi les boucliers de Captain America en vibranium. Bon, les amis, au final, je ne le bois pas au Skyline, mais je le bois au Bleecker Street Lounge. J'ai pris un Long Island Iced Tea. Ah, il y avait trop de monde au Skyline Bar et ça criait, etc. Donc, je ne me voyais pas enregistré dedans. En tout cas, si vous avez l'opportunité de venir ici au Skyline Bar, bah, écoutez, allez-y. Il y a d'excellents cocktails. Donc là, je suis posé au Bleecker Street Lounge, qui est juste en face, qui est fermé le soir, après 17h, mais on peut venir s'y poser après avoir pris un verre au Skyline Bar. C'est ainsi que, tranquillement posté au Bleecker Street Lounge, j'ai envie de vous parler du Punisher. En effet, dans la bande-annonce, on peut voir Frank Castle avec une hachette à la main. Et l'ajout du Punisher dans Daredevil Born Again, eh bien, prend un sens tout à fait logique, notamment lorsque l'on voit les liens qui unissent les deux super-héros dans les comics, mais aussi dans la série Netflix. Comme j'expliquais tout à l'heure, eh bien, Matt Murdock a eu l'occasion de défendre Frank Castle, alias le Punisher, lors d'un grand procès. Avant d'intégrer Daredevil Born Again, Frank Castle, alias le Punisher, a déjà brillé et eu l'occasion d'avoir son propre show sur Netflix, show qui a été un véritable succès auprès des fans Marvel. Alors l'acteur incarne avec brio, alors il s'appelle John Bernthal, et il incarne avec brio le personnage de Frank Castle. Et il a capturé l'attention avec sa vision de la justice implacable et ses méthodes extrêmes. Eh bien, il a capturé l'attention des citoyens new-yorkais. La série The Punisher a exploré son histoire, ses motivations et ses luttes personnelles alors qu'il se vengeait du crime responsable de la mort de sa famille. La série Punisher a été saluée pour sa représentation assez sombre, très mature et réaliste du personnage, tout en abordant des thèmes importants comme la violence, la guerre, la rédemption, la quête de la justice et la grande question, est-ce que on doit être prêt à tout pour mettre en place une justice expéditive. Cependant, après l'annulation de la série The Punisher et des autres séries Marvel sur Netflix, on s'est toujours tous demandé, notamment les fans, si le personnage reviendrait un jour dans l'univers cinématographique Marvel. La réponse est venue avec l'annonce que John Bernthal reprendrait son rôle de Frank Castle, et donc, bien évidemment, ça marque le retour du Punisher dans le MCU, cette fois dans Daredevil Born Again, et non pas dans une série qui lui est dédiée. Alors, il a annoncé quand même une série qui est dédiée au Punisher, donc est-ce que ça va être une saison 3 de Punisher, ou est-ce qu'ils vont faire un peu comme ils ont prévu avec Daredevil, faire un sorte de soft reboot qui n'est ni une saison supplémentaire au série Netflix, mais une sorte de saison 1 en soft reboot. Bref, ce retour est particulièrement excitant car il permet au Punisher de rejoindre l'univers plus large du MCU, mais aussi de rejoindre l'univers de Daredevil. Alors, le retour du Punisher dans la série Daredevil pose la question de la manière dont il interagira avec les autres personnages de la série. Alors que Matt Murdock suit une voie plus traditionnelle de la justice en tant qu'avocat et justicier, Frank Castle, lui, est une véritable force de la nature qui applique sa propre idée de la justice sans tenir compte des règles. Leur dynamique a déjà été explorée dans la saison 2 de Daredevil sur Netflix et elle pourrait être encore plus intense dans Daredevil Born Again. Leur relation pourrait osciller entre alliés forcés, ennemis jurés, chacun défendant sa propre vision du monde et de la justice, mais je ne pense pas que ce soit ces deux visions-là qu'il faut retenir. J'ai plus cette impression où, dans la série, Matt Murdock va solliciter l'aide de Frank Castle, soit pour une mission suicide, soit pour suivre une quête de justice ou de vérité. En tout cas, j'ai cette impression où Matt appelle à l'aide Frank. La série Born Again pourrait ainsi approfondir cette relation entre Matt et Frank Castle. Matt, toujours contraint de faire face à des dilemmes moraux, la question est-ce que, en faisant appel à l'aide au Punisher, s'il va accepter les méthodes de ces derniers pour éradiquer le crime à New York, ou continuer chacun à vivre sa vie de justicier de son côté. En tout cas, le Punisher, on sent bien que ils vont former un duo. Alors, je pense pas pendant toute la série, mais je sens bien qu'ils vont former un duo pour un ou deux épisodes. Au-delà des liens qui unissent Frank Castle et Matt Murdock, on a aussi, avec le retour du Caïd en tant que maire de New York, un Frank Castle sans doute très en colère, énervé, puisque, si vous vous rappelez, Fisk est un des ennemis de Frank Castle. Il a toujours été d'ailleurs une cible de choix pour le Punisher. Le Caïd, avec ses ambitions politiques, son réseau de corruption, représente l'antithèse de la justice que Frank cherche à imposer. Pour lui, ça a toujours été le cas. Fisk n'est pas simplement un homme de pouvoir, mais un criminel à éliminer. Alors que Daredevil lutte pour naviguer entre les règles de la société et sa propre quête de justice, Frank Castle, lui, pourrait voir Fisk comme l'incarnation de tout ce qu'il doit anéantir, et ce, peu importe le prix. Alors, je n'ai pas cette impression que le Punisher va accompagner Daredevil pour lutter contre Wilson Fisk. J'ai plus l'impression que on va avoir un ennemi. Alors, je ne sais pas si c'est Muse ou un autre. En tout cas, je n'ai pas réellement cette impression. Wilson Fisk sera l'ennemi numéro 1 dans cette série. J'ai plus chaud qu'en fait, il y ait, ce qu'on voit là-bas, c'est une conversation entre les deux. J'ai plus l'impression que tous les deux, Matt Murdock et Wilson Fisk, font une petite pause dans leur rivalité, puisqu'en fait, maintenant que Wilson Fisk a des responsabilités politiques, il va se consacrer à la ville de New York et il laisse maintenant Daredevil de vaquer à ses obligations tant que ça n'empiète pas sa vie politique. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, c'est que le véritable méchant qui va être intégré dans la série, ce n'est pas Wilson Fisk, c'est quelqu'un d'autre, et que Matt Murdock va appeler à l'aide le Punisher, Frank Castle, et que là, Frank Castle va mettre à son tour de côté le Kaïd pour aider Matt Murdock à capturer, entre guillemets, le méchant de la série. Bref. Et enfin, surtout, il y a un grand retour, puisqu'en fait, on a un retour aussi d'un méchant connu qui a été introduit dans les saisons 3 de Daredevil sur Netflix. Alors, tout de suite, je préfère annoncer la couleur. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité des saisons sur Netflix, du coup, maintenant, les saisons sont sur Disney+, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité des saisons, je vais un peu spoiler la saison 3 de Daredevil. On va parler du retour de Poindexter, alias Bullseye, qui est l'ennemi mythique, hein, le némésis, comme on dit, de Daredevil. Donc on peut le voir et l'apercevoir dans la bande-annonce. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Poindexter, qui est incarné par l'acteur, alors il joue super bien, c'est Wilson Bethel. Il a marqué les esprits avec une personnalité très instable et des compétences bien particulières. Donc, qui est Poindexter? Donc, j'ai pas revu la saison 3, mais je vais parler par rapport à mes souvenirs que j'ai. Poindexter, donc, c'était un ancien agent de la CIA qui est devenu tueur à gages et il a été transformé en Bullseye après avoir été manipulé par le Kaïd. Doté d'une précision hors du commun, il peut transformer n'importe quel objet en arme mortelle. Il est surtout connu pour sa capacité à tuer avec une facilité déconcertante. Dans les comics, Bullseye est l'un des plus grands ennemis de Daredevil. Alors pour ceux qui ont vu le film Daredevil avec Ben Affleck, alors clairement pour moi c'est un très bon film. Certains vous diront que c'est un nanar, mais moi je vous dis non. J'ai adoré et je pourrais regarder encore et encore ce film et réécouter encore cette musique d'évanescence, voilà, qui résonne encore là dans mes oreilles. Donc dans la série de Netflix, le personnage c'est un psychopathe assez complexe, au bord de la folie, et il est profondément manipulé par Wilson Fisk. Et dans la saison 3, il prend l'identité de Daredevil. Il utilise d'ailleurs cette identité pour semer le chaos et détruire la réputation de notre super-héros, s'attaquant à des innocents tout en reproduisant les gestes de Matt, mais avec une violence décuplée. Alors, la fin de la saison 3 se termine sur un point d'incertitude pour le personnage, où on voit qu'il est gravement blessé, prisonnier, mais aussi on a cette impression où il est marqué par la folie et la dégradation de son esprit. Alors ça, c'est sans doute lié aux manipulations de Wilson Fisk. Dans Daredevil Born Again, le retour de Poindexter pourrait se faire de manière très intéressante, étant donné que la série semble poursuivre l'arc de Matt Murdock après les événements de la série Netflix, et que Born Again explore les conséquences de la montée en puissance de Fisk en tant que maire de New York. Poindexter pourrait être réintroduit de manière à exploiter son potentiel d'antagoniste psychopathe. Je pense que ce ne sera pas le méchant principal. J'ai plus l'impression qu'il ne sera pas non plus sous les ordres de Wilson Fisk, que j'ai plus l'impression qu'il aura un rôle de mercenaire plus qu'autre chose. Donc après avoir été laissé dans un état critique dans la saison 3 de Daredevil, Poindexter pourrait revenir, non pas comme un élément central, mais comme une menace pour Daredevil. Ça pourrait être aussi le fait qu'il pourrait revenir avec d'autres personnages tels que Muse, s'allier avec d'autres super-vilains pour combattre justement Daredevil, et pourquoi pas Matt Murdock solliciter l'aide de d'autres super-héros tels que le Punisher, pour venir à son secours ou pour mettre fin au crime dans New York. Bref, il est probable aussi que le caïd ait des plans pour exploiter de nouveau Poindexter, Dexter, pour semer le chaos, mais j'ai vraiment pas cette impression puisque Wilson Fisk a l'air de prendre à cœur, eh bien, ses nouvelles fonctions de maire. Voilà les amis ce que je pouvais dire sur ce que m'a fait penser cette bande-annonce de Daredevil Born Again. Je vous cache pas que j'avais un temps très peur puisque comme beaucoup d'entre vous, j'étais un grand passionné de cette série Daredevil qui va d'ailleurs avec les autres séries Netflix qui ne sont plus d'ailleurs Netflix, mais qui sont Disney+, qui sont Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, et The Defender. Je ne vous casse pas que je suis assez nostalgique de ces séries-là, que j'ai beaucoup appréciées. Bon, Daredevil était ma préférée. Et après, j'ai beaucoup aimé Jessica Jones, mais dans tous les cas, en fait, j'avais vraiment peur que Disney ne reprenne pas ce que nous avons aimé de ces séries Netflix. J'avais peur qu'ils ne reprennent pas le côté mature, le côté violent, le côté série d'avocats, etc., etc. Dans la nouvelle série Daredevil Born Again. Après, il y a une refonte totale du scénario. Donc après quelques recherches, on peut comprendre comment ces raisons de cette refonte du scénario. Alors Dario Scardapane, ou Dario Scardapane, je ne sais plus. Exactement, qui est producteur et scénariste dans Daredevil, concernant les raisons de la refonte du scénario, expliquait que les scénarios précédents, pardon, avaient des points vraiment forts, mais ils ne correspondaient pas à ce que Daredevil avait établi. Donc en fait, on a ce scénariste et producteur de la série qui met en évidence le fait que pour lui, les anciens scénarios reprenaient pas ce que faisait, ou ce qu'avait créé plutôt. La série Daredevil et Netflix. Sur ce, Charlie Cox a pu rajouter, alors là je cite Charlie Cox, après la grève, nous avons fait volte-face, nous nous sommes dirigés dans une direction qui était intéressante et valable. L'argument était le suivant, si nous revenons après toutes ces années, nous ne voulons pas simplement faire exactement la même chose. Marvel a regardé les épisodes et a compris que ça ne fonctionnait pas vraiment. Nous avons tourné un pilote entièrement nouveau. Et ils ont réorganisé ce que nous avions filmé pour que cela ressemble davantage à la série que nous avions tournée toutes ces années auparavant. Compte tenu de la tâche herculéenne que cela représentait, c'est très impressionnant ce qu'ils ont accompli. En gros, si j'ai bien compris, les premiers scénarios n'étaient pas la poursuite de l'esprit et de la création de la série Daredevil de Netflix. Et cela n'avait pas l'air d'avoir du tout plu. À Marvel, qui voulait peut-être garder cette continuité. Ainsi, ils ont tout refait. En regardant la bande-annonce, je me rassure, la bande-annonce garde cet esprit très mature de cette série. Donc, je suis confiant. Voilà. Je vais délicatement maintenant, je viens de finir mon cocktail, je vais terminer ce podcast en retournant tranquillement dans ma chambre. Voilà. Alors, me voici. Je sors du lounge et là, j'ai deux gamins qui me visent avec leur arc de hokai. Ok. Ils sont mignons. Pour quelques mots de conclusion sur ce podcast, la série Daredevil, donc c'est quand même une série qui est très attendue. Je pense qu'on va revoir Daredevil régulièrement. Et notamment, je pense qu'il va prendre de plus en plus d'importance. Je pense qu'on va le revoir dans le prochain film de Spider-Man, parce que Daredevil est très lié aussi, alors, avec le Punisher, mais aussi à Spider-Man. Tiens, la boutique est fermée, les amis. Ah oui, elle ferme à 23h, je viens de capter. Voilà, je pense que la série... Et puis, il y a déjà une saison 2 d'annoncée, avec un tournage qui aurait eu... bientôt lieu, donc je me dis avant même qu'elle sorte, ils ont prévu une saison 2, alors ça peut être qu'une excellente série. Voilà. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. Je ne sais pas ce que ça va réellement donner, puisque c'est un micro portable cravate que j'ai. J'espère que le son va être bon, puisque je vais faire juste un montage, je ne suis pas un pro du montage, mais je vais faire un montage éclair, comme on dit. Et en plus, je suis un peu... Alors, mais je rentre dans l'ascenseur, les amis. Bonjour, on dit ground floor. Voilà. Je vais délicatement rentrer dans ma chambre. Sur ce, je vous remercie encore pour votre écoute. Je n'aurais pas cru que le dernier sur Spider-Man Noir épisode vous a plu. Et vous, certains m'ont dit qu'ils ont déjà acheté les livres. Eh bien, tant mieux. Merci. Apparemment, je suis bien arrivé. C'est bien. Là, je revois mon petit chat là, devant moi. Je vais délicatement rentrer dans ma chambre. Encore une fois, merci pour votre écoute. Nous, vous inquiétez pas, nous ferons un point sur la série Daredevil lorsqu'elle sortira régulièrement, je pense. Il y a 9 épisodes de prévu. J'espère que ces épisodes durent un peu comme Netflix, à peu près 45-50 minutes par épisode. J'attends vraiment beaucoup de cette série, qu'elle conserve tout ce qui a fait le succès de la série sur Netflix. Et j'attends beaucoup aussi de cette série pour explorer aussi le personnage qu'est Matt Murdock, notamment dans ses dilemmes psychologiques. Voilà, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'apprécier l'ambiance aussi de l'hôtel Marvel. C'est la dernière soirée à l'hôtel Marvel pour moi. Je pense que j'y retournerai cet été. Merci pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Allez, bye. Ciao, ciao.